On parle de love comme si on le connaissait. Je préférais partir quand tous les mots blessaient. Certaines fins ressenties comme un décès, un mort qu'on m'a décerné. Je peux pas m'en vouloir, j'ai tout essayé. Les montagnes, tout essayé. Pas parfait, pas parfait, c'est ta affaire, peut-être. Je ne veux pas m'en séparer, mais je sais qu'elle s'est barrée. Ensemble on est tout fait, du mal on s'est tout fait, depuis toutes ces années. Je ne veux pas m'en séparer, mais je sais qu'elle s'est barrée. Ensemble on est tout fait, du mal on s'est tout fait, depuis toutes ces années. On parle d'amour comme si celui-ci pouvait nous protéger des ennuis. Tous les problèmes viennent de ces couples qui se narquent, ceux qu'on préférait s'enfuir. Y'a ceux qui te balancheraient là toute l'année. Nos différences nous ont gâchés depuis tant d'années. Je connaissais tes parents, tes courbes et tes phalanges. Je t'aimais trop donc de suite je me suis en allé. Je ne veux pas m'en séparer, mais je sais qu'elle s'est barrée. Ensemble on est tout fait, du mal on s'est tout fait, depuis toutes ces années. Je ne veux pas m'en séparer, mais je sais qu'elle s'est barrée. Ensemble on est tout fait, du mal on s'est tout fait, depuis toutes ces années. Je ne veux pas y croire mais le temps nous a séparés. Elle est partie sans un regard, elle s'est barrée. On s'est menti, on s'est promis depuis tant d'années. Je sais t'es pas là, les nanas ne me font pas d'effet. Mais ça va, je pense à nos balades. T'es pas là, et je ne veux aucune autre que toi. Je ne veux pas m'en...